La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la glace, une matière à réflexion. La glace, oui, une matière à réflexion. L'expression à la limite du jeu de mots est de Léo Campion, cet artiste, humoriste, anarchiste, qui fut régent de l'Institut de Pataphysique et l'un des grands maîtres de la confrérie des chevaliers du Taste-Fesse. On lui doit d'autres formules savoureuses, telles celle-ci. Dès qu'on dit feu, un tel, c'est qu'un tel s'est éteint. Ou bien encore, pour bien nager, un joli caleçon ne vaudra jamais mieux qu'une étendue d'eau. Ou bien encore, il vaut mieux être cocu que ministre, ça dure plus longtemps et on n'est pas obligé d'assister aux séances. Fin de citation. Mais je vous rassure, le sujet de notre conversation scientifique d'aujourd'hui, c'est bel et bien la glace, c'est-à-dire l'eau lorsqu'elle est à l'état solide, la glace en tant qu'elle est matière à réflexion. Il se trouve que cet élément est très étudié dans la nature et en laboratoire par les scientifiques, à commencer bien sûr par les glaciologues. Car la glace intrigue. Une de ses étranges particularités est de présenter une masse volumique plus faible que celle de l'eau liquide. La glace flotte donc à la surface de l'eau liquide, phénomène inhabituel, car pour la plupart des matériaux, c'est le phénomène inverse qui se produit, c'est le solide qui, étant plus dense, coule au fond du liquide. Mais la glace est aussi matière à grimper. Depuis les années 70, des alpinistes intrépides se régalent à escalader des cascades de glace. Cette pratique nécessite une expérience importante pour évaluer l'état de la glace qui varie en fonction de la température. Des températures très froides rendent la glace dure et cassante, alors que des températures plus douces donnent une glace plus humide et plus souple, que les grimpeurs appellent du sorbet, mot qui pour eux est péjoratif. Les variations importantes de température peuvent rendre dangereuses les cascades avec un risque d'effondrement. Je me suis donc posé la question, est-ce que les glaciologues ont des choses à apprendre aux alpinistes? Et symétriquement, est-ce que les alpinistes ont des choses à apprendre aux glaciologues? Et pour le savoir, j'ai choisi une solution simple. J'ai invité pour notre conversation une glaciologue et un alpiniste. Bonjour Maureen Montagna. Bonjour. Vous êtes donc la glaciologue, vous êtes chercheuse au CNRS, à l'Institut des géosciences qui se trouve à Grenoble, géosciences de l'environnement, je pense que c'est un détail important, qui se trouve à Grenoble. Et mon second invité est François Damilano. Bonjour. Je vous avais déjà reçu pour parler de votre aventure au K2. Vous êtes donc alpiniste, guide d'haute montagne, écrivain, cinéaste. Vous êtes très connu au moins par tous ceux qui vous connaissent pour vos nombreuses ouvertures de cascades de glace. Vous avez aussi escaladé des sommets vierges du côté du Dholagiri au Népal. Vous avez gravi l'Everest par l'arête nord en 2014. Vous avez même réalisé un film pendant l'ascension, on va marcher sur l'Everest. Et plus récemment, vous êtes allé au K2, et ça s'est pas très bien passé, mais vous avez quand même réalisé un film magnifique qui s'appelle K2, une journée particulière. Et puis, un écrivain, Cédric Sapin de Four, vient de rédiger, de publier votre biographie, Les 7 vies de François Damilano. 7, hein, c'est à peu près le total. C'est ce qu'il a compté. En comptant celle que vous avez engendré, si j'ose dire. Alors, des fois, je m'interroge de savoir où j'en suis dans les 7 vies et si j'ai attaqué la 8e. Enfin, voilà, j'ai un petit problème d'identité autour de ça. On va essayer de le régler. J'ai une première question à vous poser à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a amené à la glace? Alors, je commence par vous, Maureen Montagna. La glace comme sujet d'étude de recherche. Vous habitiez à Grenoble? Vous êtes originaire de la région? Oui, je suis originaire de la Chartreuse, donc pas loin de Grenoble. Et qu'est-ce qui vous a amené à cet objet particulier, peu étudié finalement, qu'est la glace? Alors, ce qui m'a amené à la glace, c'est un mélange de curiosité, d'appétence pour la science et de chance, de hasard des rencontres. Parce que moi, je me destinais à une carrière en sciences des matériaux tout à fait banale, si cela peut être banal. Et puis, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui utilisait les outils de la science des matériaux pour étudier les roches, les minéraux et aussi la glace, et en particulier la modélisation de l'écoulement des glaciers et des calottes polaires. Et cette personne m'a d'abord proposé un stage, et ensuite cette personne m'a proposé une thèse, et c'est comme ça que j'ai d'ailleurs découvert ce qui était à l'époque le laboratoire de glaciologie de Grenoble, et que je suis tombée dans la glace à pieds joints. Donc vous n'êtes pas ressorti. Et vous, François Damilano, alpiniste, alors tous les alpinistes n'escaladent pas des cascades de glace, c'est une pratique, je l'ai dit, assez récente, et qu'est-ce qui vous, personnellement, vous y a conduit? Alors tous les alpinistes n'escaladent pas des cascades de glace, mais tous les alpinistes à un moment donné vont remonter des glaciers, vont s'intéresser aux faces nord enneigées ou englacées, parce qu'effectivement c'est l'une des images presque symboliques, presque fondatrices de l'alpinisme. Et moi il s'avère que j'ai découvert l'escalade des cascades de glace, qui est finalement une des pratiques de l'alpinisme hivernal, au début des années 80, au moment où cette pratique émergeait, et j'y ai retrouvé le plaisir de deux mondes qui étaient en train de se séparer dans notre sport, celui de l'escalade sportive, qu'on appelle communément l'escalade à main nue, mais on voit bien l'image qu'on y est associé, hein, l'escalade gymnique d'un côté, et puis le sport de l'alpinisme qui consiste à aller dans un milieu naturel, et pourquoi pas en hiver, de la haute montagne. Et finalement, la cascade de glace, c'était la gestuelle du grimpeur avec le milieu naturel de la haute montagne. Alors je reviens vers vous, Maurice Montagna. J'ai dit tout à l'heure, dans la présentation de l'émission, que la glace a cette propriété d'être moins dense que l'eau liquide. Est-ce que physiquement ça peut se comprendre? Est-ce qu'il y a une particularité dans la molécule d'eau qui permet d'expliquer ce phénomène unique? Oui, alors la glace a énormément de propriétés qui sont uniques et c'est ça qui rend ce matériau totalement magique et on en découvre encore tous les jours. Alors la glace, elle a en particulier une propriété unique qui est celle de la façon avec laquelle les atomes ou les molécules, puisque c'est les molécules d'eau, sont liées entre elles. Elles sont liées entre elles par cette liaison hydrogène. Et c'est une liaison assez particulière, on la rencontre pas dans tellement de matériaux que ça. Les métaux sont liés par d'autres types de liaisons par exemple. Et cette liaison hydrogène, en fait, elle va prendre une certaine distance. Alors il y a une certaine distance entre deux molécules d'eau dans l'eau. Et puis il y a une certaine distance entre deux molécules d'eau dans la glace. Et en raison des caractéristiques de cette liaison hydrogène, la distance entre deux molécules d'eau dans la glace est légèrement plus grande que celle que l'on va retrouver dans l'eau. Alors dans l'eau, c'est une distance statistique, parce qu'évidemment, les molécules bougent beaucoup plus dans l'eau qu'elles ne bougent dans la glace. Mais donc la distance moyenne dans l'eau entre deux molécules est plus courte que la distance moyenne dans la glace. Mais ça, c'est un constat, c'est pas une explication. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus grande ? Eh ben, c'est justement la particularité de cette liaison hydrogène qui fait que pour pouvoir associer deux molécules d'eau, il faut que ça se lie au niveau des hydrogènes et c'est de cette liaison a besoin d'une certaine distance. Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser parce que on parle souvent de l'effet Mpemba, du nom d'un collégien tanzanien qui a constaté par hasard lors d'un cours de cuisine au lycée que de l'eau chaude mise au congélateur gèle plus vite que l'eau froide, ce qui est un paradoxe. Puisqu'avant de geler, elle doit devenir froide. Donc normalement, l'eau chaude devrait geler moins rapidement que l'eau froide. Est-ce qu'on a une explication de ce phénomène? Alors moi, je ne vais pas pouvoir en donner une explication scientifique de haute volée. Je m'en excuse par avance. Il paraît qu'il n'y en a pas. Donc je ne me suis pas renseignée sur l'explication et je vais le faire à la suite de cette émission, soyez-en sûrs. Mais l'explication que je connais un petit peu avec les mains, c'est simplement que pour pouvoir assembler deux molécules d'eau dans la position d'équilibre qu'il faut pour la glace, donc pour former cette liaison hydrogène, il faut apporter une certaine énergie. Et cette énergie, elle est forcément plus disponible dans un milieu qui est chaud, puisqu'il y a une certaine agitation thermique, que dans un milieu qui est froid. Quand on prend de l'eau à 0 degré, les molécules d'eau, elles sont vraiment figées, elles ont du mal à aller l'une les unes vers les autres, et donc elles vont prendre plus de temps à aller prendre leur position d'équilibre que si on prend de l'eau à 20 degrés, par exemple. Et j'ai testé moi-même, effectivement, ça marche. Alors, si je vous ai invité tous les deux, c'est parce que je sais que vous avez collaboré, vous, la glaciologue, et vous, l'alpiniste. Alors, François Damiano, vous êtes connu, vous avez d'ailleurs... dans le monde de la montagne, toutes sortes de surnoms. On vous appelle tantôt le guide qui traverse, tantôt Monsieur Glace. Alors, Monsieur Glace, on comprend, pour les raisons que j'ai dites. Par contre, le guide qui traverse, ça vient d'où ce surnom ? Vous avez bien lu le livre de Cédric Sapin de Fou. Le guide qui traverse, c'est une anecdote autour d'une réalisation qui me ramène quelques années en arrière, où j'avais traversé tout le massif du Mont Blanc en chevauchant l'arête principale qui forme une espèce d'épine dorsale de ce magnifique massif. Donc en 7 jours, en solitaire, j'étais parti de l'extrême est du massif pour aller jusqu'à l'extrême ouest en chevauchant les montagnes. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors, il n'y avait pas de téléphone portable, donc effectivement, quand on partait en montagne comme ça pour des grandes aventures, il y avait une relation avec l'isolement qui était très forte. Et qui était aussi très bénéfique, parce qu'à un moment donné, en tant que grimpeur, quand on souhaite gravir des montagnes en solitaire, c'est qu'on a aussi envie de cultiver, comment on pourrait dire ça, un monde intérieur, en tout cas une expérience très très personnelle et très dense. Et vous, Maureen, vous pratiquez la montagne ? Oui, mais raisonnablement, si tant est que ce soit possible. Alors, vous avez collaboré pour essayer de comprendre les propriétés de la glace et ce qui fait qu'une cascade de glace peut se casser ou non. Moi, spontanément, j'aurais tendance à penser que plus il fait froid, Et pour les grimpeurs, mieux c'est. C'est-à-dire plus la glace est dure, solide. Mais je crois savoir que ce n'est pas vrai. Qui attaque ? Je commence juste sur un petit peu le pourquoi de cette étude qui a été menée il y a quelques années en arrière et qui avait rassemblé un petit groupe de travail constitué de scientifiques d'une part et de grimpeurs spécialistes de cascades de glace de l'autre. On souhaitait en particulier soumettre finalement à l'analyse scientifique et au travail scientifique l'expérience qu'on avait pu accumuler, les constatations qu'on avait pu faire nous sur le terrain, y compris dans certaines de nos mésaventures, puisqu'il nous est arrivé en tant que grimpeur de nous écrouler, de nous effondrer avec les structures sur lesquelles l'on grimpait, en essayant de pousser le plus haut possible le degré de difficulté. On allait de plus en plus vers des structures fragiles, mais finalement, il n'y avait que notre expérience qui nous permettait de jauger le caractère plus ou moins solide de ces structures. Donc, donc des risques énormes. La notion de risque en alpinisme, ça va nous... On y reviendrait. On va attaquer sur la philosophie. Mais vous avez raison de poser cette question-là. Ceci étant dit, effectivement, ça nous intéressait à un moment donné de confronter l'expérience accumulée de cette jeune discipline sportive de l'alpinisme hivernal à l'analyse et aux réponses potentielles d'un groupe de chercheurs. C'est comme ça que s'est formé le groupe de travail et qu'on a été amené avec Maureen à travailler ensemble, puis avec d'autres chercheurs. Et ce qui, moi, m'a beaucoup amusé, évidemment, c'était de transformer un laboratoire et sa méthodologie sur les parois extrêmement verticales des cascades gelées en plein hiver. Alors les glaciologues distinguent les glaces froides des glaces chaudes. Glace froide, ça fait un peu pléonasme. Glace chaude, ça fait un peu oxymoron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors effectivement, on peut faire cette distinction. Donc, je pense que c'est surtout les glaciéristes, donc ceux qui grimpent sur les cascades de glace, qui font cette distinction. Parce que nous, en tant que glaciologues, on sait que la glace sur Terre, globalement, elle est chaude. Parce que la température à laquelle elle se trouve, même lorsqu'on va la trouver à moins 30, moins 40 degrés, est toujours très proche de sa température de fusion, qui est 0 degré. Donc, pour un matériau, c'est une température chaude. Donc nous, pour nous, la glace, même sur les calottes polaires à moins 80, elle est à l'état chaud, en quelque sorte. Par contre, effectivement, pour les glaciéristes, ce qui compte, c'est un petit peu comment ce matériau va réagir aux coups qu'ils vont lui donner. Et en particulier, ils donnent des coups, mais ils ne donnent pas des coups pour casser, ils donnent des coups pour pénétrer la glace tranquillement, pour pouvoir faire corps et puis gravir le matériau tranquillement. Donc quand est-ce qu'on peut la pénétrer tranquillement, cette glace, sans qu'elle explose ? Et quand est-ce qu'au contraire, là, il vaut vraiment mieux faire attention parce que à peine allons-nous la toucher que elle va partir en mille morceaux. Et effectivement, je me permets, avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire une petite anecdote parce que quand on a commencé notre projet, on a eu une première mission de terrain, des premières réunions qui ont été un petit peu froides parce qu'en fait, nous, en tant que glaciologues, on se disait, nous, les cascades de glace, on n'y connaît absolument rien. Ils vont tout nous expliquer ce qu'ils veulent qu'on fasse, quoi. Les glaciéristes, ils y sont tous les jours. Et puis nos amis les glaciéristes, ils disaient nous on n'est pas scientifiques, on n'y connaît rien, on va faire profil bas, puis ils vont tout nous dire. Et on attendait chacun l'un de l'autre que qu'on se raconte toutes nos connaissances. Et en fait, ça marchait pas comme ça. Il a fallu briser la glace. Il a fallu briser la glace. Et après, bien évidemment, c'est entendu. Et en particulier, on s'est entendu sur l'intérêt de ces cascades de glace qui étaient suspendues, tenues en haut et en bas, ce que les glaciéristes appellent les freestanding, parce qu'il arrivait qu'elles se rompent de façon dramatique, soit naturellement, soit sous un coup de piolet. Et ça pouvait entraîner des accidents très dangereux. Et nous, en fait, on a senti avec la connaissance qu'on avait du matériau en règle générale, mais en particulier de la glace, que les variations de température pouvaient avoir un rôle important. Et effectivement, une glace froide, on peut se dire qu'elle va être solide, mais en fait, elle est surtout extrêmement fragile. Comme tout matériau, plus il est froid, plus les fissures se propagent rapidement. Et donc, dans la glace, quand elle est froide, au sens des glaciéristes, elle est extrêmement fragile. Et elle se contracte. Alors, un matériau, quand on change sa température, va avoir tendance à se dilater si on chauffe, à se contracter si on le refroidit. C'est vrai aussi pour la glace. Si on prend une cascade qui est complètement suspendue, elle est libre de se dilater, elle est libre de se refroidir, ça va pas poser de problème. Par contre, si cette cascade, elle est bloquée en haut et en bas, comme c'est le cas du freestanding, c'est comme un gros tuyau de glace qui dépasse de la paroi et puis qui va toucher la roche plus bas. Eh bien, dans ce cas-là, elle n'est pas libre ni de se dilater, ni de se contracter. Donc, quand on va avoir des variations de température brutales, comme ça peut arriver, hein, François, il connaît bien ça, la veille au soir, la nuit, il va faire moins 10 et la journée, il va faire plus 4, pour peu que la cascade passe au soleil. Eh bien, dans ce cas-là, ces variations de température vont induire ces variations volumiques imposées. Et là, ça va créer des zones où les contraintes sont très fortes. S'il y a des zones où les contraintes sont très fortes, vous arrivez avec votre piolet et blam, la fissure, elle s'ouvre et elle se propage. Alors que la veille, c'était parfait. Alors que la veille, sans doute, c'était parfait, oui. Et François Damino, vous utilisez un matériel spécial, des piolets spéciaux pour la glace, ou c'est les mêmes que ceux qu'on utilise dans les glaciers, par exemple? Alors, faut rappeler que les cascades de glace, pour nous, les grimpeurs, ce sont vraiment les chutes d'eau qui, à un moment donné, de l'hiver, gèlent. Et les structures d'escalade que ça présente et la nature même de la glace est différente de la glace des glaciers qui est formée par l'accumulation de neige. Donc, les alpinistes connaissaient bien la glace des glaciers, la glace des faces nord, mais connaissaient peu la glace d'eau figée quelques semaines, quelques jours, voire quelques heures pour les cascades les plus éphémères. Donc c'est développer une technique de grimpe particulière, adaptée à ce terrain extrêmement... Qu'on peut voir grâce aux photos qui ponctuent votre biographie, des photos qui sont vertigineuses, voilà, impressionnantes. Qu'on met en image à travers les photos, à travers les films. Et puis bien évidemment, les outils qu'on utilise, les piolets que l'on manipule avec les mains, les crampons qui sont donc attachés aux chaussures, ont également été adaptés pour ce type de grimpe. Et ils ne cessent d'évoluer comme dans toute pratique sportive. Donc on a des piolets relativement courts, avec des lames en forme de banane, très acérées, et qui ont une forme prédisposée pour justement pouvoir faire un ancrage dans les glaces, y compris les glaces les plus difficiles. Alors, quelle est la différence qui saute aux yeux qui note la différence que vous citez entre les glaces des cascades de glace et celles des glaciers qui sont formées par accumulation de neige? Généralement, les cascades de glace, ce sont ces palais de cristal, si on peut dire, qui vont s'accrocher aux parois où l'on voit les cascades d'eau bondir l'été. Donc ce sont vraiment des structures cristallines qui sont très particulières. Et la nature même de la glace, pour nous en tant que grimpeurs, n'est pas tout à fait la même. La densité de la glace n'est pas la même. Et puis il y a un côté très particulier qui est son côté éphémère. Puisqu'à un moment donné, ça va être de l'eau qui va se transformer en matière solide, que l'on va éventuellement pouvoir remonter et qui va repasser à l'état liquide. Et pour nous, grimpeurs qui aimons bien jouer aussi avec les mots, avec les images, avec les récits, le fait de grimper à contre-courant, le fait de grimper sur une paroi qui va disparaître, replace finalement l'alpinisme dans sa véritable dimension. C'est-à-dire qu'au moment où on grimpe, on s'expose. On joue, y compris avec notre vie, si on va jusqu'au bout du discours. Donc c'est la chose la plus importante du monde au moment du mouvement de la grimpe. Et puis en même temps, il n'y a rien de plus inutile que de faire de l'escalade ou de l'alpinisme. Et j'aime bien ce paradoxe que l'on retrouve dans les cascades de glace, matériaux éphémères. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Qu'est-ce qui détermine la couleur de la glace? Elle est blanche parfois elle est noire, transparente en fait. Oui, c'est la couleur du rocher qui lui donne sa couleur. Qu'est-ce qui détermine ça? Oui, en fait, ce qui détermine la couleur de la glace, c'est essentiellement la présence ou non de bulles d'air. Lorsque la glace est remplie de petites bulles d'air, alors déjà elle va avoir une microstructure avec ce qu'on appelle des cristaux ou des grains un peu plus fins, mais du coup elle va réfléchir la lumière différemment et elle va apparaître blanche. Par contre, sur certaines cascades de glace, on voit effectivement de la glace qu'on va dire noire, mais en fait, c'est juste qu'elle est totalement transparente, elle a quasiment accumulé aucune bulle d'air, et du coup, on voit le rocher à travers, et du coup, ça la rend noire. Mais c'est uniquement la présence ou non de bulles d'air. Et est-ce que vous arrivez à saisir, vous les glaciologues, la façon dont la cascade se forme? Parce que j'imagine que quand la température baisse, elle ne se forme pas d'un seul coup, donc c'est une petite partie du flux d'eau qui germe, qui se solidifie, et ensuite... Petit à petit, elle se construit, ça prend combien de temps? Oui, alors combien de temps, j'ai pas forcément la réponse, et puis ça va dépendre des cascades, ça va dépendre des conditions de température. Par contre, effectivement, un des objectifs de notre étude conjointe, c'était d'aller regarder comment ces cascades se formaient. Alors on s'est surtout concentré sur les cascades très verticales, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, ces cascades très verticales, elles étaient un amalgame de stalactites de glace qui s'étaient collées les unes aux autres. Et ces stalactites, c'est rigolo parce que ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'elles se formaient par un premier cristal. Souvent, c'est un seul cristal ou alors quelques gros cristaux au centre qui va croître tranquillement, par exemple par une journée où la température est légèrement en dessous de zéro, mais pas beaucoup. Et puis ensuite, vont se former autour de ce premier cristal plein de petits cristaux. La nuit, par exemple, il fait froid, donc hop, ces petits cristaux vont se figer autour de ce premier cristal, qui vont ensuite, les jours d'après, servir de germes pour créer des cristaux en forme de colonne plutôt horizontaux. Et donc, on s'est amusé lors de ce projet à faire des analyses de la microstructure de ces stalactites. Et ensuite, les cascades qu'on a étudiées, donc cette cascade très verticale, bah, c'est un ensemble de stalactites qui sont collés les uns aux autres. Éventuellement, des zones où de la neige va s'être accumulée, dans laquelle de l'eau va avoir percolé. Et là, il y a aussi de la glace qui s'accumule de cette façon-là. Bon, il y a, à mon avis, il y a à peu près autant enfin, il y a tout un panel d'histoires de formation en fonction de la zone où on rencontre la cascade, quoi. Alors, j'ai la même question à vous poser à tous les deux. Dans votre pratique, celle de glaciologue ou celle d'alpiniste, combien de sortes de glaces avez-vous rencontrées? Je sais, Maureen, que vous êtes allée au Pérou, au Groenland, pour étudier la glace. Si vous vous déplacez, c'est sans doute parce qu'elle n'est pas partout la même. Alors, dans ma pratique de glaciologue et sur Terre, il n'y a qu'une sorte de glace. Mais vous n'êtes pas allée ailleurs que sur Terre? Ah si, pour l'instant, je suis restée sur Terre, oui. Alors, donc sur Terre, pour moi, il n'y a qu'une sorte de glace, qui est la glace qu'on dit de structure cristallographique hexagonale, parce qu'on a dit que les molécules d'eau s'assemblaient entre elles, mais elles s'assemblent sur une façon bien ordonnée, ce qu'on appelle une structure cristalline, cristallographique, comme un diamant, comme un quartz, comme un monocristal de cuivre aussi. Et donc, sur Terre, elles se forment selon une structure hexagonale. Et c'est ce qui donne d'ailleurs la très jolie forme de nos petits cristaux de neige qu'on peut voir dans la main quand on est en montagne. Ça étant dit, les cristaux de glace vont pouvoir s'agencer de façon différente. Et ça va effectivement être différent, c'est ce qu'expliquait François à l'instant, en fonction du fait que la formation provient de l'eau liquide qui gèle ou provient d'une accumulation de neige qui se tasse. Et quand on a une accumulation de neige qui se tasse, par exemple, on va aussi piéger des informations au-delà de simplement celles qui sont contenues dans le cristal de glace. Donc à travers les molécules d'air, à travers les poussières, etc. On peut piéger du climat, de la pollution, etc. Donc c'est ça qui nous amène à aller voir différents terrains. Mais la glace en tant que matériau en elle-même, elle est très similaire. Et vous, François Damilano? Ah bah pour le grimpeur, au contraire, il y a autant de sortes de glace et de couleurs de glace qu'il y a de journées de passées en montagne, puisque finalement, pour nous, la glace reflète évidemment la couleur du ciel, comme on en parlait tout à l'heure, mais ça reflète aussi la couleur de l'âme du grimpeur, puisqu'on est dans un sport de projection en fonction de son humeur, de sa forme psychique, de sa forme physique. On va avoir un vécu totalement différent de nos journées passées en montagne, donc la glace va être à un moment donné le reflet de ce que l'on est en train d'entreprendre. Que dire après tant de poésie? Merci François. Alors pour l'instant, on a parlé d'études un peu théoriques, mais quand concrètement, Maureen Montagnat, vous devez faire des études sur les glaciers ou sur les cascades de glace, de quel genre d'appareil êtes-vous équipé? Quels sont les types d'études que vous menez pour comprendre un peu mieux leur structure et leur évolution mécanique? Alors moi, j'ai parlé d'une étude particulière qui est celle que je fais de façon régulière et justement sur des glaces qui ont des origines très très différentes, comme la glace qui vient du fond du forage de Vostok en Antarctique et qui a probablement 1 million d'années, ou alors la glace qu'on a prélevée dans les cascades et qui s'est formée juste au cours d'une saison sous la forme de stalactites. Eh bien, les outils qu'on va utiliser, nous, c'est ce qu'on va appeler des carottiers. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des carottes de glace. Voilà. Donc, en Antarctique, au Groenland, voire même sur les glaciers, on a toutes sortes de carottiers qui sont adaptés au diamètre des carottes que l'on veut faire et la profondeur à laquelle on veut forer. Et pour le projet sur les cascades de glace, il fallait un carottier qui nous permettait de carotter verticalement et surtout pendu dans le vide. Et donc, sans vraiment une force mécanique pour appuyer sur le carottier ou sans une motorisation spécifique. Donc, on a inventé ce carottier pendant ce projet sur les cascades de glace. Et du coup, on est allé aussi chercher des carottes, alors là, qui étaient nettement plus courtes que les carottes de plus de 3000 mètres qu'on peut prélever en Antarctique. Voilà, donc ça, c'est la première étape. On ramène les échantillons depuis le terrain vers nos laboratoires. Et donc, ensuite, vous escaladez un peu. Donc, il faut escalader, oui, effectivement. Escalader, gravir, monter ou alors atterrir en avion au sommet de l'Antarctique ou du Groenland. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur? D'avoir peur, oui, surtout dans les cascades avec François. Alors, la peur, c'est surtout l'appréhension du vide, parce qu'on était ultra sécurisés, il y avait François, il y avait Didier Lavigne aussi qui nous accompagnait toujours, et donc on avait toujours la double sécurité, et ce qui fait que rapidement, quand on était dans la cascade, on pouvait se concentrer uniquement à récolter nos échantillons, et ça, c'était vraiment très confortable. Par contre, effectivement, quand il faut se lancer dans le vide, à côté des chutes de sérac du glacier d'Argentière, c'est un tout petit peu impressionnant. Ce qu'il faut expliquer, si je peux compléter Maureen, c'est qu'on installait donc une équipe de scientifiques dans des parois verticales, voire déversantes, en glace, en plein hiver, avec un vide déjà impressionnant pour nous en tant que grimpeurs, donc bien évidemment pour quelqu'un qui n'est pas très accoutumé en vide, c'est d'autant plus impressionnant, mais en plus on descendait avec les outils qu'il fallait manipuler pour les observations. Donc on descendait avec ce fameux carottier, avec une perceuse, un petit moteur pour faire tourner le carottier. On descendait avec des capteurs de pression, avec des thermomètres, avec des appareils photo. On descendait même avec des glacières, de manière à pouvoir protéger immédiatement les carottages de glace ou les prélèvements de stalactites. Et on transformait ces parois qui sont d'habitude des terrains de jeu pour les grimpeurs en grands laboratoires à ciel ouvert. Donc il fallait se coordonner, il fallait s'organiser. Et il faut imaginer donc travailler dans le vide avec toute une équipe. Alors qu'est-ce que dans cette collaboration vous avez appris qui vous a le plus surpris? Alors Maureen, glaciologue, qu'avez-vous appris de plus surprenant de la part de l'expérience de François Damilano? Que votre recherche en laboratoire ne vous aurait pas permis par elle seule de découvrir? Du coup, je pense que ce que j'ai le plus appris dans le cadre de cette collaboration, c'est l'intérêt d'un travail qu'on pourrait appeler dans notre jargon pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire dans le sens où on a associé des gens qui n'avaient pas du tout la même vision de l'objet qu'on allait étudier et qui n'en avaient pas non plus la même pratique, le même usage. Et donc, c'était très, très intéressant parce que la première étape, c'est de commencer à parler le même langage. La deuxième étape, c'est de vérifier quels sont les besoins de chacun, les attentes de chacun. Ensuite, on va s'associer, s'accorder pour faire le travail de terrain que François a décrit, mais limite, quelque part, c'est la partie la plus facile. Et ensuite, il faut aussi qu'on s'accorde sur l'histoire qu'on raconte à partir des informations qu'on a récupérées. Et cette histoire, on va pas la raconter uniquement pour des scientifiques. On va la raconter aussi pour des glaciéristes, on va aussi la raconter pour le grand public, puisqu'on a aussi fait des films pour expliquer au grand public, aux élèves. Moi, les élèves que je reçois dans mon laboratoire, je leur montre régulièrement le petit film qu'on a fait sur cette étude. Et donc, il faut changer de langage. Que nous mettrons sur le site web de l'émission. Et donc, changer de langage, c'est un travail extraordinaire pour nous scientifiques qui, des fois, avons tendance à nous refermer un petit peu sur nos concepts, à nous refermer sur notre vision des choses. Et là, pour moi, c'était vraiment cette ouverture. J'ai aimé douter de mes capacités à aller en cascade pour prélever des échantillons et être rassurée par François, par Didier. J'ai aimé lire le doute dans les yeux de François en disant « Est-ce que c'est bien le bon choix de cascade ?» mais oui, ce sera le bon. Et j'ai aimé aussi qu'on questionne les résultats scientifiques qu'on avait avec un regard différent. Mais est-ce que vos études scientifiques ont eu des retombées, si j'ose dire, sur la pratique des alpinistes? Est-ce que vous êtes mieux armés, vous les alpinistes, pour savoir quand une cascade est praticable sans trop de risques? Bah, ce qui était intéressant et l'un des objets de l'étude, c'était éventuellement de corroborer ce que l'expérience nous avait appris, nous les grimpeurs. C'est qu'effectivement, en se confrontant au terrain, on accumule un certain nombre de données, mais en fait, on n'en a pas les explications. Donc, est-ce que c'est uniquement un ressenti qu'il faut mettre à l'épreuve du doute, ou au contraire, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces expériences passées? C'était cette confrontation-là qui était intéressante avec l'étude de scientifiques. Et puis alors, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé fortement dans cette collaboration du coup pluridisciplinaire, comme l'explique Maureen. C'était pour moi d'apprendre ce que c'était qu'une étude fondamentale. On entend toujours parler d'études fondamentales. Je m'étais pas trop posé la question de ce que ça voulait dire. Et je ne cessais de demander au groupe de scientifiques, à Maureen en particulier, mais qu'est-ce que vous cherchez? Parce que nous, on est quand même assez pragmatiques en montagne à un moment donné. Il faut gravir un sommet, il faut utiliser des techniques, il faut sécuriser une cordée, il faut regarder la météo, prendre des décisions. Et puis les scientifiques, et Maureen en particulier, me répondaient on ne sait pas ce qu'on cherche puisqu'on fait une étude fondamentale. Et là, je ne comprenais pas tout à fait au départ toute cette belle matière grise qui était mise à notre disposition et qui me renvoyait finalement mon questionnement. Et c'était cet échange-là et cette mise en place de cette collaboration autour du concept même d'étude fondamentale qui, moi, personnellement, m'a vraiment beaucoup intrigué au départ. Je vais rebondir un tout petit peu sur cette notion justement de qu'est-ce que vous cherchez, parce qu'on est souvent raillés, nous les chercheurs et les chercheuses, sur vous passez votre temps à chercher puis vous trouvez jamais rien. Et en fait, par défaut, je pense que si on savait ce que l'on devait trouver, on ne trouverait effectivement plus rien, parce qu'il y a un moment, il faut de la créativité, il faut aussi savoir saisir l'opportunité qui vient, l'idée, l'intuition et puis la petite lumière. Et donc effectivement, on aime bien aussi laisser cette place à « on ne sait pas ». Alors c'est difficile quand il s'agit de se faire financer, parce que quand on veut se faire financer aujourd'hui, il faut pouvoir déjà dire que ce qu'on va trouver avant même qu'on ait déjà cherché. Mais par ailleurs, heureusement, il y a des sujets sur lesquels on se garde cette liberté-là. Non, mais sans même savoir ce que vous allez trouver, vous êtes capable quand même, j'imagine, de pouvoir formuler une question. Bien évidemment. Alors, quelle est la question qui vous turlupine le plus à propos de la glace? Alors, à propos de la glace, par exemple, on sait que c'est, la glace est un matériau cristallin qui se déforme comme beaucoup de matériaux cristallins, que sont le cuivre, l'aluminium, les minéraux, les roches. Mais on n'arrive pas très bien à comprendre quelle est la dynamique des défauts, qui sont des défauts initiaux, ce qu'on appelle les dislocations, qui sont à l'origine de cette déformation. Elle est particulière, elle est différente que celle qu'on trouve dans beaucoup de matériaux. Et pourquoi est-ce qu'elle est différente? C'est certainement lié de nouveau à cette relation entre les atomes d'oxygène liée à cette liaison hydrogène. Et là, il y a un niveau de recherche où il faudrait vraiment creuser avec des nouveaux modèles, avec des nouveaux systèmes de prospection, peut-être aussi à inventer. Mais par contre, moi, ce que j'adore, c'est en voir les conséquences. Quand je déforme la glace en laboratoire, j'en vois les conséquences. Et ça, c'est une question que j'aimerais poser. Déformer la glace, ça veut dire quoi exactement? Vous avez des carottes que vous courbez, par exemple? Oui, on prend des bouts de glace, soit qu'on fabrique en laboratoire pour contrôler la microstructure, soit qu'on va chercher sur le terrain. Et on appuie dessus, on la tord, voire on la casse, on la propulse. Enfin, on lui fait subir plein de choses. Et donc, on comprend beaucoup de choses sur cette déformation de la glace aujourd'hui. Mais il y a cette échelle-là là, qui reste encore assez mystérieuse. Ce qu'on appelle la microstructure de la glace? Alors, la microstructure, c'est un paramètre. Donc, c'est la façon avec laquelle les cristaux vont s'agencer quand on a des polycristaux. Après, des fois, on peut avoir un seul cristal, donc ce qu'on va appeler un monocristal. Et là, c'est une microstructure particulière. Là, on se place encore à l'échelle du dessous, en fait. On n'est pas tout à fait à l'échelle des atomes quand on parle de ces défauts responsables de la déformation plastique. On est à l'échelle intermédiaire entre l'échelle du cristal et l'échelle des atomes. Et c'est comment ces atomes vont bouger au moment où on les déforme. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. Peut-être que c'est le moment d'écouter un peu de musique. Et vous avez choisi, je crois, de conserve, une chanson de Jacques Higelin. Je me souviens d'un plateau désert. De hautes montagnes, où la froide majesté des pierres me rendait heureux. Vers les sommets drapés de lumière, s'envolait mon âme et j'écoutais battre dans mes veines. Le rythme éternel. Des battements de mon cœur. Sous le toit du ciel. Dans les bras de l'innocente divinité de l'euphorie, emportée par les rafales du vent, sous les ailes géantes d'un oiseau, l'aéroplane de la liberté, d'où je m'élançais du plus haut des cieux, dans les courants limpides de l'immensité, où les plongeurs dérivent. Sous leur blanche corolle, ensoleillée, là où la parole reste sans écho, où les mots s'envolent sur les ailes du silence, silence, silence, silence. de ma vie, jamais je n'oublierai. Vos sourires fraternels, compagnons initiateurs d'envol. Quand j'ai replié mes ailes en touchant le sol. Maurine Montagna, François de la Milano, vous avez choisi cette chanson tous les deux. Vous êtes mis d'accord. J'imagine qu'elle a un rapport à votre, avec votre collaboration. Mais c'est l'album implicite, donc ça allait de soi. Mais c'est surtout un choix de Maurine. Oui, alors ça a été facile parce que lorsque François m'a dit « je te laisse choisir la musique », c'est la première musique qui m'est venue à la tête. Vraiment, je l'ai chantée. Donc ça a été assez facile. Et j'étais ravie que le choix parle à François. En fait, c'est une chanson qui me vient souvent à l'esprit quand je suis en montagne et forcément, ça me venait à l'esprit quand on finissait nos séances de cascade de glace où j'en avais un peu bavé quand même, où non, j'avais eu froid. C'est pas ce que tu m'as raconté, Maureen. Tu m'as raconté que c'est l'air qui te venait en tête, que tu fredonnais lorsque nous étions en manip, pendus dans les cascades de glace, c'est que tu sentais que la peur te picorait le cerveau. Voilà, et la fin de cette chanson, de ma vie, jamais je n'oublierai vos sourires fraternels, compagnons initiateurs d'envol, ça parlait bien. Mais quand on voit les photos qui sont dans votre biographie, les 7 vies de François da Milano, on se demande comment il serait possible de ne pas avoir peur dans une cascade de glace. Le grimpeur est tout petit, la cascade peut être très haute, et on a l'impression que si ça casse, c'est fichu, non ? Ah ben si ça casse, le grimpeur il tombe avec, donc effectivement après on ressemble au docteur Folamour qui tombe sur sa bombe, ça nous est arrivé quelques fois. Donc évidemment c'est un milieu à risque, mais l'alpinisme c'est une espèce de forme d'oulipo, finalement on écrit sous les contraintes qu'on veut bien se donner, et chaque génération se réinvente le terrain de jeu que sont les montagnes, et pour notre génération a trouvé un moyen d'expression en gravissant les cascades de glace. Donc bien évidemment c'est extrêmement spectaculaire, mais bien évidemment on apprend, on se forme, on accumule de l'expérience qui vont permettre de maîtriser ce risque. Et le jeu de l'alpinisme, il est dans la maîtrise du risque et dans le plaisir de revenir plus riche dans la vallée une fois qu'on a gravi nos montagnes. Enfin, il y a dans ce livre une phrase qui m'a fait sursauter. Cette phrase, c'est « l'eau vivante peut tuer ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un alpiniste ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une glaciologue ? Bah, pour l'alpinisme, à un moment donné, c'est effectivement de jouer avec ce matériau. Quand il y a de l'eau dans la glace, c'est pas bon. Alors, quand il y a de l'eau dans la glace, il va y avoir des éventuels problèmes de solidité. Mais une fois de plus, c'est ce jeu avec ce matériau, cette matière qui est indispensable à la vie, qui est la vie même, et à un moment donné, qui peut être cause de la perte du grimpeur si la glace redevient haut trop tôt. Donc, effectivement, une fois de plus, il y a un jeu intellectuel autour de la pratique sportive elle-même. Alors Maureen, pour un glaciologue, c'est juste complètement fou de grimper sur ce matériau qui est l'un des plus fragiles qui existent. C'est-à-dire une glace dans laquelle il y a beaucoup d'eau liquide. Non, la glace en elle-même est un des matériaux dans lequel les fissures se propagent le plus vite. Quand on compare à tout un ensemble d'autres matériaux, on pourrait donner des chiffres, mais ce qu'on appelle la ténacité ou la résistance à la propagation de fissures sont des paramètres vraiment spécifiques dans la glace. Et donc c'est un matériau extrêmement fragile. Donc il faut être un peu taré pour aller se pendre dessus. C'est évidemment pas une question de folie. C'est une fois de plus une question d'équilibre et de trouver sa bonne place dans le milieu que l'on fréquente. Et c'est évidemment l'un des jeux de l'alpinisme, de trouver sa place exacte, de trouver les bonnes décisions à prendre, de savoir jouer avec cette ligne rouge ou jaune, je ne sais pas comment on dit, de l'engagement nécessaire pour une pratique sportive, et puis l'engagement qui est trop important et où l'alpinisme va mettre sa vie en péril. Maureen Montagna, vous voulez réagir? Oui, non, ma remarque était volontairement provocatrice, parce qu'en fait, vivre est dangereux de toute façon, on sait tous comment on finit un jour, mais il s'avère que si on regarde les aspects très objectifs, très rationnels, très scientifiques, et ben la glace, c'est vraiment pas un matériau sur lequel il faudrait taper pour évoluer, c'est évident. Par contre, il n'y a pas de doute que la poésie qui est derrière le fait de cheminer sur ces structures, je la comprends parfaitement, et ces structures sont magnifiques. Moi, J'ai passé des moments vraiment splendides grâce à François et à l'équipe parce que ils m'ont permis d'aller dans des structures de glace que j'aurais jamais pu visiter de moi-même. Et... Alors à propos de structures de glace, François Damineau, on vous voit à page 158 escalader un sérac. Et vous dites, ou en tout cas on vous fait dire, que escalader un sérac, c'est comme remonter le temps. Oui, c'est une autre forme de jeu. Les séracs, ce sont ces fronts de glaciers qui, sous l'avancée du glacier par sa masse, hein, par la pesanteur, va présenter des fronts qui peuvent être surplombants. Donc nous, pour les alpinistes, c'était un jeu supplémentaire que de pouvoir trouver des parois de glace qui étaient non seulement verticales, mais surplombantes. Mais en plus, lorsque l'on remonte ces tranches spectaculaires de glaciers, on remonte toutes les couches de glaciation. Et on sait que les couches de glaciation correspondent aux années du glacier. On va traverser... Il y a une grosse couche pour l'hiver et une petite couche pour l'été. Voilà, une couche plus claire qui correspond à la masse de neige de l'hiver et plus grise qui correspond à la masse de glace de l'été qui emprisonne plus de poussière. Donc finalement, il y a là un jeu avec le temps, et ça va vous parler bien évidemment à Étienne, puisque le grimpeur se met à gravir le temps du glacier. Et donc l'âge de la glace n'est pas le même en tout point. Alors l'âge de la glace n'est pas le même en tout point, il y a énormément de variations, mais une fois de plus, on est dans ces contraction du temps. Moi, je l'exprime avec mes mots à moi. Je suis pas philosophe et physicien. Mais toutes ces notions du temps qui n'a pas la même valeur et qui n'a pas la même durée suivant l'expérience que l'on vit. On le sait quand on expérimente cela dans le monde hypoxié de la très haute altitude, et on le sait aussi dans l'intensité d'un effort physique que la grimpe peut nous procurer en alpinisme. Maurice Montagnard. Alors là, encore une fois, nos pratiques se retrouvent parce que moi, je ressens des choses très similaires lorsque j'ai entre les mains des carottes de glace qui viennent de forages profonds en Antarctique. Je peux prendre l'exemple d'une carotte que j'ai traitée récemment, qui est le fond de la carotte de Vostok. Donc Vostok, c'est un site antarctique où il fait le plus froid sur Terre et où une carotte a été prélevée depuis de nombreuses années. Mais récemment, j'ai eu un bout de carotte dont on imagine que la glace fait plus d'un million d'années. Et lorsque je tiens dans ses mains les bouts de carottes que j'ai fini d'utiliser, j'entends les petites bulles qui, en se réchauffant, pètent, éclatent. Et je sais que l'air qui ressort de cette glace-là peut avoir pas loin d'un million d'années. Donc c'est des sensations, finalement, qui sont assez proches, qu'on finit par oublier dans la pratique quotidienne. Mais il suffit de le raconter, comme je l'ai fait il y a pas longtemps, à des élèves de 3e pour que ça prenne toute sa mesure, en fait. Cette glace qui enferme la notion du temps. Oui. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Est-ce que la suite de l'histoire vous inquiète, Maureen Montagnard? Est-ce que l'eau est quelque chose qui va disparaître? Les glaciers eux-mêmes sont menacés, on le sait, par le changement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine urgence à mener vos études? Déjà, est-ce que vous voyez vous-même, dans votre propre pratique, les effets du changement climatique? Alors moi, personnellement, je suis pas climatologue. Par contre, je côtoie des climatologues, je côtoie les gens qui font parler la glace sur le climat du passé et qui sont donc capables de dire à quel point l'homme a changé le climat actuel déjà et est en train de changer l'histoire du climat du futur à des niveaux qui n'ont jamais été mesurés pendant les derniers 800 000 ans. Et forcément, quand on est au contact quotidien, pour moi depuis 20 ans maintenant, de ces prévisions, on est très inquiet. Parce que il y a 20 ans, c'était encore des prévisions, effectivement. On avait quand même des informations assez évidentes, mais on laissait la place au doute. Aujourd'hui, c'est plus des prévisions, ce sont des mesures. Aujourd'hui, on sait que le climat se réchauffe, on sait que le climat s'est déjà réchauffé. Hein. La Terre a déjà pris plus d'un degré en moyenne. Un degré, ça paraît rien au quotidien, hein, mais en moyenne, c'est énorme. On sait que les zones arctiques, en particulier, sont d'autant plus sensibles. Et on sait surtout que le fonctionnement de la Terre n'est pas linéaire. C'est-à-dire, on sait que les choses évoluent, mais qu'elles ne vont pas évoluer forcément de façon constante, tranquillement. Et puis, on n'a qu'à attendre dans 100 ans, et ça se passera pour d'autres que nous. Non, il est fort probable, on a beaucoup de signaux aujourd'hui qui nous disent qu'on a atteint des points de bascule. On appelle ça les tipping points en anglais. Il y a plein de signaux quand on mesure le niveau des océans, quand on mesure la température, quand on mesure la perte de la biodiversité, par exemple. On voit que les croissances sont plutôt exponentielles, donc très rapides. Et on ne sait pas du tout, les climatologues ne savent pas du tout ce qui va se passer après ce basculement. Voilà. Et là, forcément, moi, je suis inquiète en tant que humaine, terrienne, avant de l'être en tant que scientifique. Et vous, François Damineau, qui êtes allé un peu partout, au Népal, dans un grand nombre de pays pour escalader, vous voyez des variations? Nous, les alpinistes, je ne sais pas si on voit les changements climatiques, mais par contre, on voit évidemment les disparitions des glaciers, ne serait-ce que dans le massif du Mont-Blanc, qui est le principe pâle bassin glaciaire de France, hein. J'habite au pied du glacier des Bossons. Les glaciers s'amenuisent à vue d'œil, et quand je dis à vue d'œil, c'est d'une année à l'autre. Jusqu'à maintenant, on regardait des photos de nos aînés pour imaginer les masses glaciaires. Là, on n'a plus besoin de regarder des photos. D'une année à l'autre, on voit effectivement la disparition. Moi qui m'intéresse à la topographie des montagnes pour pouvoir tracer toutes les voies ouvertes par les alpinistes, je mesure, je regarde la disparition de ces masses, et c'est absolument inquiétant. Jusqu'à maintenant, je voulais C'est-à-dire pas trop... vous devez revoir les topos des voies qu'on pouvait faire il y a 20 ans ne sont oui, plus oui, possibles. Oui, la montagne change radicalement. Notre terrain de jeu est en train de se transformer. Ça crée même des crises de, on pourrait dire, de conscience de la part des guides de montagne, de la part des aventuriers. Comment on va aborder ce nouveau terrain de jeu? Quelle est notre propre influence sur ce terrain de jeu? Nous qui sommes des vendeurs de rêves, des vendeurs de voyages, comment on va continuer à pratiquer notre activité dans cette prise de conscience d'aujourd'hui? C'est pas la moindre des questions pour nous. Alors vous avez eu des accidents, François Damilano, on va pas en parler trop, mais quand même vous avez... Et pour cause, subit quelques chutes, mais à chaque fois, vous refusez d'invoquer la fatalité. Et vous citez cette phrase de Paul Ricoeur, la fatalité, c'est personne, la responsabilité, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on revendique un alpinisme, une pratique en toute conscience, il est trop court, il est trop facile que d'invoquer la chance ou la pas de chance. Et que ça me paraît une réponse trop rapide lorsque l'on subit un accident. Ça écarte toutes les causes endogènes, celles que l'on va nous-mêmes amener sur le terrain. Et à un moment donné, si on décide d'aller gravir une montagne, d'être à tel endroit à tel moment, c'est bien qu'on en a une conscience. Donc on peut pas l'écarter. Donc c'est notre place à l'intérieur même de ce milieu. Mais là, c'est vous que j'interroge, Étienne, parce qu'il y a une question, moi, qui me tarabusque toujours. C'est le moment où on va croiser ces deux courbes, celles qu'on pourrait appeler du hasard et du destin. Et je sais mal définir ces deux mots. Ça n'empêche que ça m'interroge dans ma propre pratique et dans mes propres mésaventures. Vous dites, en tout cas, vous êtes cité page 258 de votre biographie, François Damilano, on vous fait dire être alpiniste, c'est ne pas tomber. Oui, c'est donc vrai. Donc ça veut dire que vous ne faites pas de mur d'escalade en salle où on peut s'amuser à tomber pour tester les limites de sa technique ou de sa condition physique. Je veux dire par là que bien que ça soit un jeu à la vie et à la mort, il ne faut pas se tromper sur les mots, et je parle clair en termes d'engagement d'alpinisme. Pour moi, l'alpiniste qui ne revient pas de la montagne est en échec. Mais ça, c'est une position très personnelle. L'héroïsme, la littérature alpine, la littérature himalayenne ne fait que glorifier ces grands héros qui se sont engagés jusqu'à disparaître dans leur montagne. Moi, c'est pas ma philosophie. Je n'ai pas envie d'aborder l'alpinisme de cette manière-là. Ça n'empêche qu'il m'est arrivé, une fois de plus, des mésaventures, que des compagnons ont disparu, et que donc c'est mon propre questionnement par rapport à ma propre pratique que je dois mettre en cause et à laquelle j'ai pas répondu. Mais je continue de faire la montagne, j'aurais peut-être une réponse un jour. Alors, il y a un grand alpiniste italien qui n'est pas mort en montagne, hein, il a arrêté à 35 ans, bien vivant, qui est Walter Bonatti. Et en août 55, alors qu'il vient de vaincre en solitaire le pilier sud-ouest du Touru, à Chamonix, après 6 jours d'ascension, 6 jours et 6 nuits, hein, il déclare « Je sais que j'ai franchi la barrière qui me séparait de mon âme ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quelque chose que vous comprenez, François Damilano? Les alpinistes sont des poètes, mais c'est surtout que l'alpinisme nous mène, et c'est probablement que l'on recherche cet état, dans des zones psychiques que l'on ignore nous-mêmes, et c'est cette expérience presque métaphysique qui est intéressante également en alpinisme. Et ce n'est pas qu'un discours de performance, tout le monde peut le vivre. Le débutant qui franchit pour la première fois une crevasse, qui découvre un parcours glaciaire et ou qui va réussir un sommet, va ressentir des émotions particulières, originales, et qu'il va probablement chercher à reproduire. Et c'est dans cette reproduction qu'on va probablement aussi aller de plus en plus loin. Et Bonatti exprime, bien évidemment, à ce moment-là, son refus de continuer d'aller plus loin, parce que sinon, c'est sa propre vie qu'il va mettre en cause. Maureen Montagnard, vous êtes impressionnée par les alpinistes que vous avez croisés dans votre collaboration avec eux ? Non, je ne crois pas être impressionnée par les alpinistes que j'ai croisés. J'ai eu la chance aussi de connaître Pierre Bégin, puisque c'était un ami de mes parents. Et impressionnée, oui, par exemple, je l'étais quand j'ai rencontré Pierre Bégin à 17 ans. Évidemment, à 17 ans, j'étais très fortement impressionnée. Et puis, avec le temps, j'ai cessé de l'être parce qu'en fait, je pense que les alpinistes sont des gens qui ont choisi une voie qui est la leur. Ils vont à fond dans la voie qu'ils ont choisie et ils sont entiers avec ce qui les anime. Mais il y a énormément de gens qui sont dans cette dynamique-là et éventuellement dont on va beaucoup moins parler. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les gens qui vivent à fond ce qu'ils aiment vivre et qui retrouvent du sens. Et parmi les alpinistes, il y a des gens qui trouvent du sens à ce qu'ils font et il y en a d'autres qui ne trouvent jamais ce sens-là, qui sont dans une recherche de reconnaissance perpétuelle qui les mène bien au-delà de la limite de leur âme, comme l'exprimait Walter Bonatti. Donc, non, je ne suis pas impressionnée. Je suis ravie de rencontrer ces chemins de vie qui sont différents du mien. Et en fait, pas tellement finalement dans cette recherche de sens. Et avec François, on a beaucoup d'échanges sur le sujet. Alors, comme j'ai pris le parti dans cette émission de symétriser mes questions, je vais demander à François s'il est impressionné par les scientifiques qu'il a rencontrés au cours de cette collaboration. Bien évidemment que je suis impressionné par les scientifiques. Probablement un petit peu envieux de la maîtrise intellectuelle, de la manière dont tous ces gens dont vous faites partie manipulent les concepts, imaginent l'avenir, travaillent sur le monde qui nous entoure. Et probablement que nous, les alpinistes, on peut développer par moment ce petit complexe vis-à-vis des têtes bien faites. Et c'est ça qui est sympa aussi de former cordée, c'est qu'à un moment donné, ça permet de croiser des univers. Maureen. Oui, alors moi je voulais réagir parce que justement cette notion de complexe, elle en ce moment elle travaille dans mon cerveau parce que en fait, je me questionne un peu sur une société dans laquelle on va donner plus de valeur à un glaciologue, une glaciologue, un alpiniste, une alpiniste, au point de l'inviter à une émission de radio, que à un professeur des écoles ou que la personne qui a nettoyé la salle dans laquelle on est et qui sont pourtant très très importants pour notre vie au quotidien. Donc je me questionne sur cette échelle de valeur qu'on attribue et en particulier lorsque moi j'ai accepté de tourner des images pour le projet qu'on partageait, j'avais comme idée de transférer l'information, le message aux jeunes femmes en particulier qui pouvaient regarder que la science dure, hein, puisque la mécanique de la glace, enfin la mécanique des matériaux, c'est une science qu'on va dire dure. La science pouvait être accessible à tout le monde, puisqu'elle l'avait été à moi, et que même la science dans un milieu un peu extrême comme les cascades de glace pouvait l'être aussi à tout le monde, puisqu'elle l'était à moi. Et c'était vraiment ma conviction profonde. Et c'était le message que j'avais envie de faire passer avant tout. N'ayez pas de complexe, allez-y, foncez, regardez, on peut y aller. Si ça vous plaît, allez-y. Et donc, n'ayez pas de complexe, et donc ne mettez pas nos positions sur un piédestal. Et en fait, à la suite du tournage du film Des racines et des ailes, sur lequel il y avait une petite partie donc, qui concernait notre étude, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse qui avait été perçu. Parce que j'ai reçu plein de coups de téléphone de ma famille, de mes amis, en me disant mais tu es folle, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, mais c'était trop dangereux. C'était... Et moi, je me disais, mais c'est pas ça que je voulais montrer. Et donc, cette notion de complexe, elle me heurte un petit peu dans le sens où j'aimerais tellement que les gens se sentent libres d'aller vers ce qui les aspire. Et quand on a la liberté, on peut aller. Mais ça veut dire aussi qu'on ne maîtrise pas toujours l'image que l'on donne. Ça, il y a d'ailleurs de très belles pages sur l'image dans votre biographie, François Damilano. L'image et le récit sont constitutifs de l'alpinisme, selon moi. C'est-à-dire que nos pratiques sont éloignées, sont cachées au regard du public, par définition, quand on est perdu là-haut dans la montagne. Et ça n'existe que par le récit. Alors ça peut être le récit au café du coin, quand on redescend et qu'on raconte nos histoires autour d'une bière, mais c'est évidemment la littérature, c'est évidemment la photo, c'est évidemment le film. Et donc, obligatoirement, j'ai développé un rapport un peu particulier autour de l'image parce que c'est ce qui permet de redescendre des morceaux de montagne vers ceux qui n'ont pas nécessairement la chance de pouvoir y aller. Et c'est vrai. Mais vous avez été très photographié et maintenant vous êtes plutôt cinéaste, si j'ai bien compris. Alors, comme j'ai passé beaucoup de temps à mettre en image mon alpinisme, à travailler avec des photographes et des réalisateurs, à un moment donné, effectivement, j'ai eu besoin de sortir, comment dirais-je, pratiquement de sortir de ma propre caricature, de ma propre image, effectivement. Et je suis passé de l'autre côté de la caméra en devenant réalisateur pour, du coup, travailler différemment cette image de la montagne. Maureen Montagna. Oui, alors en parlant d'image, moi effectivement j'aime beaucoup ce que François nous transmet, c'est-à-dire et en lisant son livre, on voit, enfin j'ai eu l'impression de ressentir un élan vers le partage. Plus encore que la recherche de reconnaissance, il y a un élan vers le partage. Regardez, moi, je trouve ça beau. J'ai une histoire à raconter. Je peux vous faire rêver. Je peux vous faire vous transposer dans une vie que peut-être vous ne vivez pas. Alors, je vous l'offre. Et en ça, je trouve que effectivement, l'image est un outil formidable. Et les récits qui vont avec sont des outils formidables pour construire. Une autre société peut-être de demain. On peut aussi s'inspirer de ça pour se dire, bon, bah, quelle image, quel récit on peut construire pour demain, pour donner envie aux gens d'aller vers quelque chose de différent. Sortir du complexe, sortir peut-être d'un ego un petit peu trop marqué vers une histoire, vers des récits qu'on partage. Alors, vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup citer les alpinistes parce que je trouve qu'ils ont des paroles qui ne viennent pas de nulle part. Et pour terminer, je voudrais vous rappeler cette phrase de Gaston Rébuffat. J'ai toujours préféré les projets aux souvenirs. Et donc, je voudrais vous interroger sur vos projets respectifs. Vous, Maureen Montagna, en tant que glaciologue. Vous, François Damiano, en tant que grimpeur, cinéaste, écrivain. Je ne sais plus quoi dire. Commence par vous, Maureen. D'accord. Alors, moi, j'ai des projets qui sont à court terme, à petite échelle, et puis des projets qui sont bien plus larges et plus flous pour l'instant. Le premier projet, c'est de faire évoluer légèrement mon activité vers le matériau glace en petits bouts, entre guillemets, qui est la neige, parce que, en fait, c'est des bouts de glace qu'on met à côté, mais le comportement mécanique est radical. La neige, c'est vraiment des bouts de glace. Bah, c'est des cristaux, oui, c'est des cristaux de glace, effectivement, qui ont une forme particulière liée à leur histoire de formation. Mais le comportement mécanique est assez radicalement différent et c'est très intéressant. Et puis personnellement, en fait, je nourris le projet de comprendre un petit peu quel type de société on pourrait participer à élaborer pour répondre aux grandes problématiques qu'on se pose aujourd'hui, qui sont, de mon point de vue, ce que j'évoquais tout à l'heure, un risque d'effondrement de l'humanité dans laquelle on vit. Donc, quel type de société on peut construire ensemble, donc avec des approches qui sont plus collaboratives, qui sont plus dans une construction où chacun a sa place et chacun est respecté, des approches qu'on dit holarchiques. Voilà, donc je travaille aussi à ça et là... Un projet plus sociétal et assez vaste. Exactement. Vous, François Damiano, des projets, j'imagine. Pour rester dans l'image, je suis en train de monter un film sur le ski de randonnée de voyage, mais surtout je travaille à l'écriture et au montage d'un projet de film qui sera une déambulation philosophico-scientifique sur le temps, et je pense qu'on en reparlera un jour, Étienne. Merci à vous deux d'être venus nous parler de la glace comme matière à réflexion, mais pas que. Et pour terminer, je voudrais vous livrer une petite anagramme, la face nord des Grandes Jorasses. François Damiano, je crois que vous la connaissez bien. Mais je vous laisse le plaisir. Ben, l'anagramme qui a été trouvé par Jacques Parisalkov et qui dit sans doute ce que ressent la face nord des Grandes Jorasses quand elle voit les glaciers fondre autour d'elle. Ça donne le donjon à des regards fracassés. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Marie Le Peintre et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.